Donner se dit geben. Geben, donner. G-E-B-E-N. Geben. Comment dit-on nous donnons? Wir geben. Vous que je vous vois donner? Sie geben? Je donne. Ich gebe. Ich gebe. Je vous le donne. Ich gebe. Je vous le donne. Littéralement, je donne cela à vous. Ich gebe es sie. À vous. Ihnen? Non, vous dans le sens de à vous, c'est Ihnen. Ihnen, c'est ça. Donc, je vous le donne. Ich gebe es Ihnen. Bien, ich gebe es Ihnen. Comment dirait-on « mais je ne peux pas vous le donner aujourd'hui, car je ne l'ai pas » Aber. Aber, mais, je ne peux pas vous le donner aujourd'hui. Aber ich kann nicht es Ihnen heute geben. Oui, mais on dira le plus souvent « aber ich kann es Ihnen heute nicht geben », car je ne l'ai pas, denn je ne l'ai pas, denn ich habe es nicht. Denn ich habe es nicht. Oui. Et maintenant, comment direz-vous quand voulez-vous la voir? Quand? Là, il faut ouvrir grand la vanne. Wann wollen Sie es haben? Wann wollen Sie es haben? Et quand pouvez-vous l'avoir? Wann pouvez-vous l'avoir? Können Sie es haben? Bien. Wann können Sie es haben? Comment diriez-vous quand pouvez-vous me l'avoir? C'est-à-dire quand pouvez-vous l'avoir pour moi? Wann können Sie es für mich haben? C'est ça. Wann können Sie es für mich haben? Est-ce que vous pourriez répéter la phrase? Wann können Sie es für mich haben? Für mich. Wann können Sie es für mich haben?